Leçon 10B. Exercice 4. Jeu de son. 1. Jules ne joue jamais le jeudi dans le joli jardin de Julien et de Julie. 2. Charlotte cherche le chocolat chez Jules, son chéri, mais son chat Charles l'a déjà. 3. Le petit Patrick pleure parce que son pauvre perroquet a un plâtre et ne peut plus parler. 4. Samedi, à 7h16, Sébastien sonne chez sa sœur Suzette. « Salut, sœurette. Voilà une sucette. » 5. Et voilà Viviane. Elle veut visiter votre ville en voiture avec vos voisins.